tu le prenais de mes yeux, de l'image au pied de la nuit. J'ai dit la vie, la vie, la vie, la vie. Et je rêve la vie avec mes.